Chapitre 18e. Le sentiment du devoir accompli préserve du remords, non de la tristesse. Mareuil, sans regretter d'avoir coupé court à une coupable intrigue, s'aperçut bientôt que les remèdes héroïques font plus souffrir, après qu'on les a pris, qu'au moment même où l'on se les administre. Au bout de quelques jours, n'ayant pas pu parvenir à écrire la lettre que M. de Garamante lui conseillait d'adresser à Henriot, il se persuada que le plus sûr moyen de faire diversion à son ennui était de quitter Paris et d'aller donner de vive voix à Jacques les explications nécessaires. Sans se l'avouer, il éprouvait d'ailleurs un vague besoin d'agir, de voir du pays, surtout de ne pas demeurer en proie à ses souvenirs. Car s'il en avait de douloureux, il en avait aussi d'enivrants. Deux ou trois fois, il avait été sur le point de partir pour les Charmilles. Il se voyait pénétrant dans le parc à la nuit tombante et se glissant du côté du chalet. Il reprenait sa place au pied de l'arbre. La voix de la jeune fille jetait dans la nuit ses notes graves. Elle-même paraissait à la fenêtre. Henri comprit qu'il y avait urgence à s'éloigner, sous peine d'être quelque jour victime d'un de ces retours offensifs de la passion qui mettent le devoir en fuite au moment que celui-ci se croit vainqueur. Un beau matin, il donna congé à l'hôtel où il était descendu après avoir quitté les Charmilles, boucla sa malle et prit le train d'Italie. En recevant le billet où Henri lui annonçait son départ, le comte grommela entre ses dents « Diable, diable !» et parut soucieux. Après avoir visité à petite journée cette admirable Italie qu'il ne connaissait pas, fait à Venise, à Florence, à Sienne, à Pérouse, à Orvieto, une abondante provision d'études et d'impressions, Jacques s'était fixé à Rome. La majesté triste de cette ville unique l'avait profondément touché. Il y a en effet dans Rome un charme subtil qui séduit certains cœurs enclins à la rêverie, amoureux de la solitude, épris de beauté austère et sensible à la mélancolique poésie des ruines. Un appartement avec atelier était vacant dans une grande maison située sur le bord du Tibre, près de l'endroit où le bac, aujourd'hui remplacé par un pont, mettait en communication le quartier qui entoure le mausolée d'Auguste avec les champs de Saint-Sinatus. Jacques s'y installa. De la fenêtre de sa chambre, il apercevait à ses pieds le fleuve roulant à gros bouillons ses eaux limoneuses, et sur l'autre rive, le mausolée d'Adrien, qui est devenu le château Saint-Ange, le dôme prodigieux de Saint-Pierre et la belle colonnade du Bernin, l'assemblage confus de palais qui constitue le Vatican, enfin, le Monte Mario, couronné de cyprès toujours verts. Quelle ville au monde peut, comme celle-là, présenter à chaque pas qu'on y fait des monuments parés de noms immortels? Où trouver un pareil assemblage d'édifices de tout âge et de tout style, au seuil desquels se dressent de grands souvenirs historiques, semblables à ces statues qui décorent le faîte de Saint-Jean de Latran et qu'on voit, de deux lieues, se détacher avec des gestes larges sur l'azur immuable du ciel? Jacques suivit d'abord l'influence pacifiante de Rome. Dans le silence de la grande cité morte, il semble que nos mesquines passions n'osent plus élever la voix, comme elles font ailleurs au milieu du tumulte complice de leurs clameurs, et que chaque ruine nous dise « Bah, j'ai depuis 2000 ans entendu d'autres cris que les tiens. Ne viens pas troubler mon recueillement. Laisse-moi rêver au passé. Qu'est-ce que ta souffrance? À peine une goutte d'eau dans ce fleuve de la douleur humaine qui s'enfle de siècle en siècle et roule à mes pieds. » Le travail aidant, Henriot avait assez bien passé les deux premiers mois de son séjour en Italie. Mais cette demi-quiétude n'avait malheureusement pas duré. La rareté des lettres de Henri, l'insuffisance des renseignements qu'il y trouvait, le silence obstiné d'André, qui avait pourtant été la première à lui proposer de correspondre, tout contribua bientôt à jeter le trouble dans l'esprit du jeune homme. L'arrivée de M. de Garamante à Rome lui fut d'un grand secours. Le comte s'ingénia à le réconforter, et pensa d'une main légère ce cœur endolori. Pendant deux grandes semaines, ils ne se quittèrent pas. On les voyait ensemble dans la campagne, sur la Via Appia, sur la route de Tivoli ou de Frascati, dans les musées, au Pincio, à la Villa Borghese ou Pamphili, et le soir au Corso, qu'ils arpentaient en devisant. L'étroite intimité de cette vie en commun, où chacun donne le meilleur de soi-même et se laisse voir tel qu'il est, sans fausse honte, fortifia l'estime qu'ils avaient déjà l'un pour l'autre. Le comte gardait tout son esprit, mais semblait avoir laissé à la frontière son parisianisme railleur, aussi bien que son ruban rouge. Courtoisie qu'on voudrait trouver plus souvent chez les Français, quand ils vont rendre visite à un peuple où l'enthousiasme est bien porté, et les décorations point. Henriot était surpris de trouver dans ce viveur une étendue de connaissances qu'il n'avait jamais soupçonnée. Dans cet épicurien frivole, un goût extrêmement vif pour les choses de l'art. Dans ce raffiné, le sentiment profond de ce beau particulier, fait de mysticisme et de naïveté, qu'on rencontre chez les primitifs. Monsieur de Garamante, d'autre part, était charmé de s'apercevoir que ce jeune homme fier, poussant la réserve presque jusqu'à la sauvagerie, cachait, sous des dehors d'une froideur parfois un peu hautaine, le cœur le plus généreux. Il prenait un singulier intérêt à l'entendre parler de ses études, de ses projets de tableaux, des maîtres italiens, des diverses écoles entre lesquelles sa prédilection flottait encore un peu, toutes choses qu'il exposait avec cette chaleur qui plaît aux sceptiques, quoi qu'ils en disent, comme le voisinage d'un bon feu, flambant clair, réjouit un homme engourdi par le froid. Leur mutuelle sympathie était ainsi devenue de l'amitié, respectueuse d'un côté, très tendre de l'autre. « C'est pourtant vrai, se prit à penser un jour M. de Garamante, que si j'avais eu un fils, j'aurais souhaité qu'il ressemblât à ce grand garçon-là. » Et il soupira. On a beau être dégagé de beaucoup de préjugés, on n'aime pas enterrer son nom avec soi. C'est mourir un peu moins que de soustraire à l'horrible loi de la destruction ne fût-ce que cette petite partie de nous-mêmes. Jacques et M. de Garamante avaient souvent parlé d'André au cours de leur longue causerie, et le vieux gentilhomme s'était toujours exprimé sur le compte de la jeune fille avec une certaine sévérité. Un jour, Henriot lui montra la lettre où Mareuil faisait le portrait de Mademoiselle Passemard. Le comte lut et relut la lettre avec beaucoup d'attention. Parut ensuite très préoccupé et fit, depuis lors, une foule de questions sur Henri, son caractère, la tournure de son esprit. Aucun de ces menus faits n'avait échappé à l'attention de Jacques. Il en fit le thème ordinaire de ses réflexions, et comme il arrive lorsque notre esprit concentre toutes ses facultés sur un même objet, perdit le peu de calme qu'il eût conservé. Les idées les plus folles passaient dans sa tête. Le soupçon de la vérité même l'effleura. Mais telle était sa droiture qu'il repoussa aussitôt, avec une sorte de honte, cette explication qui l'obligeait à suspecter la loyauté de son ami. Plus d'une fois, il fut sur le point d'abandonner ses travaux commencés, d'accourir à Paris. Au moment de partir, il se disait avec découragement « À quoi bon ? M'en aimera-t-elle davantage si elle ne m'aime pas ?» D'ailleurs, M. de Garamante le détournait énergiquement de mettre ce projet à exécution. Il se décide alors à tenter auprès d'André une suprême épreuve et à conjurer Henri de lui fournir des renseignements précis sur ce qui s'était passé au Charmy depuis 2 mois. Il attendait encore la réponse à ces 2 lettres que le comte avait emportées, et ne voyant rien venir après plusieurs jours d'intolérable anxiété, il avait enfin résolu de partir le lendemain, lorsqu'un coup de ce marteau qui remplace le plus souvent à Rome les sonnettes retentit à sa porte. Il alla ouvrir et se trouva en face de Mareuil. « Toi, ici ? » s'écria-t-il en reculant de surprise. « Elle se marie, n'est-ce pas ? Je m'en doutais. » Et sa figure fut en un instant contractée, moins par le désespoir que par la fureur. « Non, non !» fit Henri précipitamment. « Écoute-moi donc. Je te jure qu'il n'est pas question de mariage. »« Ah ! Pardon alors, mon bon Henri, » dit-il en passant la main sur son front. En t'apercevant, j'ai cru que tout était fini. Et je te reçois comme un chien. Au lieu de t'embrasser, pardon. » Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. « Voyons, » reprit Jacques, « assieds-toi et causons. Explique-moi bien vite ce qui t'amène, car je suis depuis quelque temps dans un tel état d'énervement, un peu à cause de toi, que j'en perds la tête, comme tu viens de le voir. » « Mon cher Jacques, » dit Henri, « je suis venu te retrouver parce que ma conviction est qu'il ne me restait plus rien à faire au Charmy. Tu m'as chargé de plaider ta cause, n'est-ce pas ? Je l'ai fait sans relâche. J'ai mis à ton service tout ce que l'amitié la plus ingénieuse pouvait m'inspirer de dévouement et me donner d'adresse. Je n'ai pas réussi. De guerre lasse, j'ai quitté la partie et me voici. « Ah !» dit seulement Jacques. Après un silence qui parut très long à Henri, il reprit d'une voix lente et comme se parlant à lui-même. « Alors j'avais donc bien raison de penser que tout était fini. Mais tu ne me dis pas qui est celui qu'elle aime. » Henri eut besoin de faire appel à toute sa volonté pour ne pas tressaillir, bien qu'il eût pris soin de se préparer à cette question. « Je ne sais pas si elle aime quelqu'un. Je suis sûr seulement qu'elle ne t'aime point et ne sera jamais ta femme. » « Elle te l'a dit ?»« Oui. » Et il raconta qu'au cours d'une de ses conversations avec André, la jeune fille avait déclaré nettement qu'elle n'épouserait pas Jacques, faute de se sentir en communion intellectuelle et morale avec lui. « Tiens, » remarqua Henriot, « c'est une manière nouvelle, ça. Elle en est donc aux affinités électives pour l'instant. » Il y a progrès depuis mon départ. Ah ça, qui diable a bien pu lui mettre ses idées en tête? Tu me disais dans ta plus grande lettre que son intelligence est un reflet plutôt qu'un foyer. Que reflète-t-elle aujourd'hui? Voilà ce qu'il faudrait savoir. Voyons, cherchons. À quoi bon? Ne crois-tu pas qu'elle ait pu trouver cela toute seule? Non. J'étais très frappé de la justesse de ton observation. Les mots d'André ne sont presque jamais d'elle. Cette expression vague et prétentieuse de communion intellectuelle et morale peut nous mettre sur la voie, nous aider à découvrir l'influence cachée qui s'exerce maintenant sur elle et me l'enlève. Tu es resté tout le temps au Charmy, n'est-ce pas? Oui. Qui est venu pendant que tu t'y trouvais? Monsieur de Garamonde. Oh, ce n'est pas celui-là, je t'en réponds. Un esprit clair, net, précis comme le sien, ne donne pas dans le pathos des harmonies préétablies et des âmes fiancées de toute éternité. D'ailleurs, il est mon ami, et je l'estime trop pour le croire capable d'avoir mis dans l'esprit d'André de pareils sorts nets. Une affection dévouée et prévoyante comme la sienne n'aurait pas manqué de discerner le parti qu'André pouvait tirer contre moi de ses fadaises sentimentales. Non, non, ce n'est pas lui. Qui y est encore? Henri s'attendait bien à être obligé de fournir des explications. Mais il n'avait point supposé que Jacques dût procéder à d'aussi minutieuses investigations. La persistance qu'il mettait à poursuivre son enquête, sans se laisser dérouter, commençait donc à troubler singulièrement Mareuil. Des amis de Maxime, reprit-il, en saisissant avec empressement cette occasion de mettre des noms en avant et de dépister les soupçons d'Henriot. Le petit baron de Salbris, Derieux, pas sérieux. Derieux et pas sérieux? Ce n'est pas là leur genre. Salbris, peut-être. Et pourtant non, c'est trop fort pour lui, comme pour eux. Mais pourquoi ne me parles-tu pas de Morincourt, au fait? Henri, tu me caches quelque chose. C'est lui. Car enfin, si ce n'est pas lui qu'elle aime, et qu'il a détaché de moi, il ne restera plus? Jacques s'arrêta et regarda fixement son ami pendant une seconde. Une flamme courte passa dans ses yeux. Puis un pâle sourire détendit ses lèvres un peu serrées, et d'un geste brusque, il prit la main de Mareuil. « Fou que je suis !» dit-il tristement. « Encore cette honteuse pensée. Croirais-tu, mon pauvre Henri, que je viens de te faire à l'instant l'injure de te soupçonner ?»« Maudit tempérament, va !»« Figure-toi qu'il y a des moments où je vois rouge. Lorsque je pense qu'elle appartiendra à un autre, qu'elle aura, qu'elle a déjà peut-être des mots d'amour pour un autre. » Il s'est élevé, fort heureusement, et marchait à grands pas en faisant avec ses bras des mouvements désordonnés qui exprimaient la vive agitation de son âme. Henri eut le temps de se remettre et de cacher le trouble accusateur que ses traits avaient un instant trahi. « Allons, dit-il, calme-toi. Tu sais maintenant à quoi t'en tenir. C'est bien quelque chose de ne plus être empêtré dans les équivoques de cette amitié ambiguë et de pouvoir reprendre la libre disposition de toi-même. » Ainsi, c'est bien Morincourt, interrompit-il sans l'écouter. Elle l'a vu souvent, n'est-ce pas? À Paris, oui, avant le départ pour la campagne, mais au Charmy, non. C'est bien cela. Il te savait là. Il aurait évité de venir pour ne pas nous donner l'éveil, le lâche. Je suis bien sûr qu'il ne s'est pas contenté de lui dédier un livre, mais qu'il lui écrivait assidûment. Il n'a pas interrompu, j'imagine, son travail de séduction sournoise. qui craint le grand jour et n'avance que par les voies obliques. Oh, je sais comment il procède. Elle m'a mis au courant l'hiver dernier, sans doute parce qu'il lui semblait plaisant de piquer ma jalousie. C'est lui, te dis-je, mais je le retrouverai, et alors ? Un geste de menace acheva sa pensée. Non, dit Henri, tu n'en as pas le droit. Que t'a fait cet homme, après tout, dont tu puisses le rendre justement responsable ? Il aime la même femme que toi. Qui te prouve que pour se faire aimer, elle n'a pas eu recours aux mêmes artifices qui t'ont si bien séduit ? Bah, la grande coupable, c'est elle. Si tu veux haïr quelqu'un, elle a donc. Lui a peut-être été ensorcelé. Il ne sait peut-être pas seulement ce qu'il a fait. Pardonne-lui, Jacques, pardonne-lui. Ah ça, mais de quel ton me dis-tu cela ? Vas-tu te jeter à mes genoux maintenant pour obtenir que j'oublie le mal que me fait ce Morincourt ? Tu Dieu ! Quelle chaleur tu mets à plaider la cause de cet homme ! Tu le connais donc ? Non, à peine, dit Henri en balbutiant. Je l'ai vu deux ou trois fois seulement, et tu comprends bien que je ne m'intéresse guère à lui. Mais je te vois si emporté, si violent aujourd'hui, que j'ai voulu te rappeler au calme et à la raison. Eh, mon cher, c'est que je ne suis pas de mon temps, tu l'as dit. Je me sens puissant pour la haine comme pour l'amour. Malheur à qui m'offense. Et comment pourrait-on m'offenser plus cruellement qu'en me volant le cœur d'une femme si ardemment et depuis si longtemps aimée ? Ça, parlons d'autre chose maintenant. André est perdu pour moi. C'est ce que je vois de plus clair dans tout cela. Tu vas tâcher de m'aider à m'étourdir, hein ? Quant au Morincourt, nous verrons plus tard. Pour plus de sûreté, tu me feras faire un peu d'escrime. Tu es toujours fort, je pense. Moi, je suis un peu rouillé. Bien que je te fasse visiter mon installation. Tu verras comme nous serons bien. J'ai une chambre pour toi, tu sais. Ne te laisse pas aller à l'hôtel. Il lui montra son atelier, pièce spacieuse et bien éclairée par le haut, pleine d'étoffes multicolores, qui formaient avec les plats de cuivre traînant çà et là sur les meubles, les moulages en plâtre de quelques beaux bronzes antiques, les lampes romaines à trois becs, les vases en forme d'amphore, ce charmant fouillis dont les peintres aiment à s'entourer, et où ils font régner, n'en déplaise aux profanes, un ordre autre que celui des ménagères, cet ordre qui dispose les pièces diverses d'un ameublement, les tentures, les moindres objets, conformément aux subtiles harmonies de leur forme et de leur couleur. De grandes photographies du Colisée, des thermes de Caracalla, de belles gravures de Piranesi représentant le forum au XVIIIe siècle et l'adorable petit temple de Vesta étaient piquées au mur. À l'une des cloisons, un trophée d'armes était suspendu. Salade, hallebarde du XVIe siècle, dague, espadon, et une paire de jolies épées dont la fine lame avait été montée sur des gardes anciennes à coquilles d'acier ciselé. Que dis-tu de ces joujoux-là ? Demanda Jacques. Comme elles sont en main, et légères, et flexibles. Ma foi, oui. On ne fait plus si bien aujourd'hui. Ton atelier est charmant. Tu l'as rangé avec beaucoup de goût, et je vois que tu n'as pas perdu ton temps, dit-il en montrant du doigt plusieurs études accrochées çà et là. J'ai beaucoup travaillé, en effet. Comment trouves-tu ceci ? Il s'approcha d'une toile placée sur un chevalet au milieu de l'atelier et rejeta de côté un grand morceau d'étoffe qui la recouvrait comme un voile. C'était un portrait d'André, d'une ressemblance extraordinaire. Le sourire singulier de la jeune fille, le retroussi des commissures de ses lèvres, était surtout rendu avec une étonnante vérité. « Tu as fait ce portrait-là de mémoire ?» dit Henri, qui s'empressa de déguiser son trouble en admiration. « Mais oui, » dit Jacques, « avec le secours de cette photographie. » Il tira de son portefeuille et montra à Henri un portrait-carte que la jeune fille lui avait donné. Au revers était écrit « J'ai mis mes lèvres aux lèvres de cette petite image. Si vous cherchez bien, vous y trouverez un peu de présence réelle. »« Diable !» s'écria Mareuil en se forçant pour plaisanter. « Voilà du mysticisme un peu bien sensuel. On dirait un mot de Madame Guyon à Fénelon. » Quand ils eurent fini de visiter l'appartement, Jacques procéda à l'installation de son ami, puis l'emmena faire un tour par la ville. « Sais-tu encore du grec ? » demanda-t-il tout à coup à Henri. « Pourquoi cette question ? » ?»« Parce qu'une noble dame d'ici, une marquise, ma foi, qui descend en ligne directe de très illustres bandits du Moyen-Âge et compte parmi ses ancêtres une quinzaine d'assassins notoires, sans parler de ceux qu'on connaît moins, vient de m'adresser une invitation à dîner en vers latin. « Hein, qu'en dis-tu ? Ce n'est pas chez nous que les femmes sont de cette force-là. Heureusement. Et alors, tu comprends ? Pour affirmer ma double supériorité d'homme et de français sur ce babble exotique, j'ai voulu lui répondre dans la langue de Pindare qu'il ne m'est pas possible d'accepter. « Prends garde, elle sait peut-être du turc, et tu seras cloué par sa contre-riposte. » « Une langue vivante ? Oh, ce n'est pas probable, elle est trop savante. Mais de l'étrusque, peut-être. Tu as raison, il vaut mieux ne pas me risquer, et puis je dînerai mal. On ne sait pas manger chez ces Italiens. » Cuisine de latin, parbleu. Les deux jeunes gens se mirent à rire joyeusement. Ah, mon cher Henri, dit Jacques, si tu savais comme cela me semble bon de te revoir. Il y a si longtemps que je n'avais ri. Tiens, vois donc quel nom sonore portent les gens de ce pays-ci. Il lui montrait du doigt l'enseigne d'un magasin. Serafino Fracassini, Parrucchiere. Quel beau titre pour un roman dans le goût de Madame de Stael, répliqua Henri. Serafino, Fracassini ou l'Italie contemporaine. Toute une philosophie du caractère italien en deux mots. L'élément doucereux, Serafino. L'élément bravache, Fracassini. À ce moment, un grand gaillard taillé en Hercule Farnèse quitta les marges d'une église voisine où il sommeillait voluptueusement, étendu au soleil, s'approcha d'eux, son feutre gras à la main, la bouche en cœur, le regard caressant, l'échinable, et se mit à parler avec une volubilité onctueuse. « Qu'est-ce qu'il dit ? » demanda Mareuil. « Que nos seigneuries ont l'air trop distinguées pour ne pas être généreuses, qu'ils recommandent à leur libéralité un pauvre père de famille sans ouvrage, qu'il priera la Madone pour elle. « Serafine, parbleu, je te le disais bien. « Bavia, » fit Henriot avec un peu de rudesse. L'homme se redressa superbement, enfonça d'un coup de poing son chapeau pointu sur la toison noire et bouclée de ses cheveux, puis s'éloigna en grommelant. « Est-ce que tu comprends toujours ?»« Parfaitement. Il nous traite de juifs. Demande à la Madone de nous envoyer la fièvre et parle du plaisir qu'il aurait à donner de son couteau dans le ventre de ses chiens de français. » « Calmez-vous, Fracassini !» lui cria Mareuil. Et ils allèrent visiter le forum, le Colisée, puis dîner dans une osteria sur le bord du Tibre, d'un plat de dinde bouilli, de fettuccini et d'un fiasco de vin blanc d'Orvieto, en face de la cloaque Maxime, construite par Tarquin l'Ancien. Une quinzaine se passa. Les deux jeunes gens se promenaient souvent ensemble, causant infatigablement art, histoire, littérature, interrogeant les ruines qui leur répondaient, car il ne faut pas croire que les archéologues seuls aient de ces entretiens avec les vieilles pierres. Par un accord tacite, ils évitaient de parler d'André. Quand les journaux apportèrent la nouvelle de l'élection de M. Passemard, qui fut nommé à la fin d'octobre avec une grosse majorité, Mareuil se contenta de dire « Allons, le tour est joué. Je crois que je ne lui ai pas été inutile. » « Oui, » dit Jacques simplement. « Tu dois voir rondement mener cette campagne-là. L'autre était plus difficile. » Il soupira et ce fut tout. Mareuil essaya de l'interroger sur ses projets d'avenir. Jacques resta impénétrable. Il ne parlait ni d'écrire à André, ni de revenir à Paris avant plusieurs mois. Il s'était remis au travail avec une ardeur fiévreuse et passait une partie de son temps à faire des copies ou des études dans les musées. Sa gaieté un peu factice des premiers jours avait disparu. Il ne se plaignait jamais, ne glissait pas dans ses conversations la moindre allusion au passé, mais portait sur son visage pâli l'empreinte d'une tristesse farouche qui ne ressemblait guère à de la résignation. Henri, de son côté, se sentait en proie à un malaise vague que la présence de son ami augmentait au lieu de le dissiper. Peu à peu, ils prirent l'habitude de ne plus être ensemble qu'à l'heure des repas, sous prétexte de courses aux environs, de séances dans les bibliothèques, de visite aux galeries particulières. Jacques, qui d'abord accompagnait son ami partout et semblait prendre plaisir à lui faire les honneurs de Rome, l'abandonnait maintenant pendant des journées entières, et Mareuil ne se plaignait pas de cette solitude. Au bout d'un mois et demi, il commençait à songer au départ, sans trop savoir ce qui l'emportait en lui, du désir de quitter Rome ou de l'envie de revoir Paris. Ce que le jeune homme n'osait pas se dire, c'est que l'amitié lui semblait maintenant un faible antidote de l'amour. C'est que le temps lui apportait si peu l'oubli qu'il se sentait de jour en jour moins détaché d'André. C'est qu'enfin, il en venait à regretter presque, comme une duperie, le sacrifice qu'il s'était imposé.